Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Hier, c'était le gala Rondelle d'or. C'est un peu la soirée méritasse de la Ligue de hockey Junior majeur du Québec pour l'année. Et l'entraîneur de la région ont quand même fendu l'air. Par contre, sur l'équipe d'étoiles, à noter que Samuel Girard a été nommé sur la première équipe d'étoiles chez les défenseurs, de même que Nicolas Roy des Saguenayens de Chicoutimi. Maintenant, on sait que la série entre les Saguenayens de Chicoutimi et les Huskies de Rouyn-Noranda va commencer demain soir à Rouyn-Noranda. Hier, on a parlé avec un instructeur-chef, Gilles Bouchard, et il mentionne dans un premier temps pour l'entraîneur des Huskies que ce sera une série spéciale à affronter les Saguenayens de Chicoutimi, compte tenu qu'il vient de la région et également qu'il a déjà joué pour les Saguenayens de l'endroit. On va écouter là-dessus l'entraîneur-chef des Huskies, Gilles Bouchard. Série un peu spéciale contre les Saguenayens de Chicoutimi. Je dois t'avouer là, qu'on te suit beaucoup du coin de l'œil parce que tu viens du coin, mais là, contre notre équipe locale, à part de ça, ça va être un peu particulier. Oui, ça va être particulier. Là, tu sais, du fait que je viens du lac Saint-Jean, puis en plus, j'ai joué pour les Sacs, fait que ça amène un élément supplémentaire. Là, fait que ça va être une série qui va être intéressante. Là. Et dans un deuxième temps, Gilles Bouchard mentionne qu'il n'a pas décidé qui sera devant le filet, soit de Olivier Tremblay ou Samuel Harvé. Ah, écoute, on n'a pas décidé encore. Là. Nous autres, ce qu'on a dit à nos gardiens de but, c'est que faut que tu sois prêt. On veut utiliser les deux gardiens de but pour chacune des séries. Okay. Donc les gars sont conscients de ça. Fait qu'on va continuer dans le même sens probablement. Là. OK. Dans un dernier temps, Gilles Bouchard mentionne que la grande glace ne sera pas un désavantage pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Vous êtes à l'aise? Non, on est capable de jouer cette grande glace-là. C'est sûr que les autres sont habitués puis ils font bien ça là, sur leur grande glace. Là, sauf que on a une équipe rapide, fait que, écoute, c'est sûr qu'avec des bons patineurs comme ça, puis avec l'espace de même, c'est pas quelque chose qui va nous désavantager. OK. Parlons maintenant de la série entre les Rapides de Dolbeau-Missassini et les Saguenayens de Chicoutimi. On sait que les Rapides ont évité l'élimination en gagnant 2-1 mardi soir en Ville-Saguenay. Marc Degagné, le secteur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, a indiqué que son équipe aurait bien aimé terminer la série mardi soir, mais il donne crédit aux Rapides de Dolbeau-Missassini. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux finir la série hier, mais les Rapides sont arrivés le couteau entre les dents, puis ils ont travaillé plus fort que nous, là, tout simplement. Puis comme je dis à mes joueurs depuis le début de la série, c'est l'équipe qui va travailler plus fort qui va gagner cette série-là, parce qu'au niveau talent, là, les deux clubs sont très comparables. OK, bien. Et Marc Degagné, dans un dernier temps, mentionne qu'il faudra travailler encore plus fort pour les Rapides pour terminer la série samedi au complexe sportif de l'endroit. Un autre match serré, c'est l'équipe qui va travailler le plus fort qui va l'emporter. Puis nous, on est bien conscients, on va travailler fort dans les pratiques cette semaine pour arriver prêt, pour que nos joueurs donnent tout ce qu'ils ont, puis qu'on essaie de terminer cette série-là contre une équipe qui mérite sa place. Donc on est fini à 5 points de différence dans la saison, là, nous et les Rapides. Et puis c'est le fun de voir une ligue en santé comme ça avec des bons matchs serrés tout au long des séries éliminatoires. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Je me suis entretenu d'abord avec l'instructeur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Bantam, Marc Degagné. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.